pareil quand on rêve desséché. Dans nos radios réveils, y'a un jingle qui sonne les mauvaises nouvelles. Et dans nos arabicas, quelle que soit leur couleur, quel que soit leur format, nos quotidiens trempent leur tartine de malheur. Des attentats suicides, killers, assassinats, que des crimes sordides. Tueries, génocides, des guerres, partout il y a Goliath contre David, partout des guérillas. Reportages en couleur, journaux télévisés, sur nos écrans douleurs, c'est la misère qui s'étale en full HD. Tiens, même le cinéma nous montre sans complexe l'horreur en grand format sur les écrans géants de son multiplex. Des enfants qui agonisent, un vieillard mort de froid sur les marches d'une église. Et ces gens qui médisent et qui montrent du doigt ces destins qui se brisent sans même savoir pourquoi. On va où? On va où? On va où sur notre bille de terre? On va où? On va où? Et pourquoi faut-il donc tout foutre en l'air? Qui écrit le scénario de ce film, ce thriller dont nous sommes les acteurs? Quel est donc, dites-moi, l'auteur de ce western? Est-ce que c'est vraiment ça la vie moderne? Métro, boulot, resto, on ne parle que de ça. La crise sur le gâteau, comme si tous les médias ne suffisaient pas. Et quand même on s'excuse d'aller se coucher tôt, c'est Morphée qui s'amuse et nous rejoue le grand mélo de l'info. La vie qui capitule face aux tonnes de béton d'ambition ridicule. Toutes ces forêts qui brûlent, et tant d'inondations, tsunamis, canicules, trous d'ozone et pollution. On va où? On va où? On va où sur notre bille de terre? On va où? On va où? Et pourquoi faut-il donc tout foutre en l'air? Écrit le scénario de ce film, ce thriller dont nous sommes les acteurs. Quel est donc, dites-moi, l'auteur de ce western? Est-ce que c'est vraiment ça la vie moderne? On va où? On va où? On va où? On va où? Ce film, ce thriller dont nous sommes les acteurs. Quel est donc, dites-moi, l'auteur de ce western? Est-ce que c'est vraiment ça la vie moderne? On va où? On va où? On va où sur notre bille de terre? On va où? On va où? Et pourquoi faut-il donc tout foutre en l'air? Qui écrit le scénario de ce film, ce thriller dont nous sommes les acteurs? Quel est donc, dites-moi, l'auteur de ce western? Est-ce que c'est vraiment ça la vie moderne?